Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Eh bien oui, vous êtes dans l'émission 120 au compteur, c'est mardi soir et comme tous les mardis soirs, nous sommes à l'antenne, en direct, pour vous accueillir, pour que vous passiez une bonne soirée et j'espère qu'elle va être bonne, même si aujourd'hui on est un petit peu en comité restreint. Et oui, effectivement, c'est pas Harry qui prend l'antenne ce soir, là c'est Sherlock qui vous parle et bon, en fait on n'est pas beaucoup dans le studio. Il y a à mes côtés, il y a Stéphane qui a bien voulu se dévouer. Oui, bonsoir, bon, se dévouer. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis, oui, c'est vrai que j'étais dans ces studios la semaine passée, mais c'est vrai. Mais c'est un plaisir de revenir cette semaine pour t'accompagner. Et c'est vrai qu'on te voit souvent, on te voit plus souvent que d'habitude, je trouve. Ah, c'est vrai. Parce qu'on t'a vu pour la première, alors que c'était pas le premier mardi du mois. Ensuite, on t'a revu pour le premier mardi. Mais on te revoit assez souvent, mais je pense que... C'est parce que tu m'as vu ce week-end que tu dis ça, peut-être. Ah, c'est peut-être ça, ouais. C'est vrai ça qu'on se voit souvent. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on se voit souvent en ce moment, quand même. Et ben alors, Canon n'est pas là. Alors oui, salut, c'est Canon. Je vais pas savoir faire toutes les voix. Hein, alors ouais, bon, ouais, je vais en faire quelques-unes. Je vais essayer de prendre Canon. Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bonsoir le monde, bonsoir la Belgique, bonsoir la France. Voilà, ça c'est du Canon. On reconnaît Canon. Ouais. Harry n'est pas là parce que il est en répétition, je pense, pour un futur spectacle. Onissa, elle a décidé de prendre des vacances. Comme ça. Ouais, bah voilà. À peine démarré et déjà en congé, dis donc. Ah ouais, déjà. Mais pour remplacer Onissa, ce soir, nous avons notre... bon, on peut l'appeler notre maman à nous. C'est Véro. Bonsoir Véro. Bonsoir Véro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Charlotte. Alors parle bien. Oh là, ça commence. Enfin, parle mieux que Charlotte. C'est ça, parle mieux que moi. Je parle bien dans le micro. Oh, c'est oui. Bien, ouais. Bonsoir tout le monde. Oui, je pense que ça passe bien. Comment tu vas Véro? Ça va très bien, et vous? Très bien, ouais. Alors ça fait aussi un petit moment qu'on t'avait pas vu. Parce que il faut savoir que Véro nous rend visite assez régulièrement. Puis là, ça faisait un bon mois qu'on t'avait pas vu quand même. Hein. Bah oui, ça me manquait un peu. Et puis c'est vrai que Véro nous suit dans nos aventures depuis quelques années. Hein, puisque dans notre vie antérieure, avant RLM, hein, on peut le dire. Donc oui. C'est vrai. Et que ce soit à la radio ou dans nos soirées également. Ah, oui, c'est vrai qu'avant RLM, on faisait de la radio déjà. On était sur une autre radio concurrente mais néanmoins amie. Et on a décidé de venir ici parce qu'il y avait plus de chauffage. Plus de chauffage et plus de, ventilation l'été. C'est vrai. Non. Donc bon, trêve de plaisanterie, on va se faire une petite coupure musicale. Et on reviendra donc juste après Jacques Higelin est tombé du ciel. Jacques Higelin qui nous a quittés il y a quelques jours, c'était le 6 avril. Et une petite pensée pour lui et pour toute sa famille. Allez, c'est parti. Tombé du ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber dernière sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Et l'émission 120 au compteur à l'antenne pour vous ce soir avec donc Stéphache qui n'est pas là habituellement et qui là mais qui est là ce soir oui. Qui est là ce soir sans ses platines, sans sa musique. C'est vrai, ouais. Alors malheureusement. Ouais, effectivement, ce soir tu ne vas pas nous faire de défi mix. Non, je suis au repos ce soir. Voilà, non, je suis venu. C'est bien dommage parce que j'aurais bien pris des cours de mixage. Ah, en pleine émission, c'est peut-être risqué. Enfin, je pense à nos auditeurs. C'est vrai. Bon, on va essayer de faire ça un autre jour. Alors, on fera ça peut-être quand tu auras un festival ou quelque chose comme ça, ou une soirée de mix ou je ne sais pas. D'ailleurs, à propos de festival, on va parler de plusieurs choses. Hein. Dans le courant de l'émission, on parlera de festival. Dans le courant de l'émission et notamment d'un festival qui se déroulera fin juin. Et j'y pense parce que tu parles de mix et de concours de mix justement. Puis bon, on en reparlera un peu plus tard. Mais de concours de mix. Ouais. On a l'habitude des concours de mix. Et là, c'est des concours de mix. Le DJ contest. Oui. Ça change un peu. Ouais, c'est sûr. Alors bon, donc pendant l'émission, on va vous parler un petit peu de ce qui se passe, dans la région ou dans le nord de la France. Moi, à 21h, je vais essayer de vous faire deviner un film que j'ai regardé cette semaine. Alors les spécialistes, et surtout le spécialiste du cinéma, en dehors de toi Sherlock, n'est pas présent ce soir. C'est ça, c'est Harry. Mais je pense que t'as pu le voir quand même. Si. Ah, parce que c'est vrai que souvent... j'ai du mal à trouver quand même. Moi aussi. C'est vrai. Alors si, la semaine passée, c'était quoi, Last Action Hero, je crois. Ouais. Ça alors, va. Je revenais plus sur le titre. Mais là, je connaissais. Là, c'est un film de 2014. D'accord, c'est sorti un mercredi, comme dit Ronis. C'est ça. Mais on en parlera tout à l'heure. Et vers 21h30, je vous ferai les sorties ciné. Je vais vous dire ce qui sort demain en Belgique et en France. Et on se retrouve tout de suite après une petite coupure musicale. Alors casse pas tout dans le studio, il est déjà en train de taper sur les micros. C'est ici. Vrai, on est surveillé. On se retrouve juste après les Soul Sisters avec The Way to Your Heart. sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et toujours dans l'émission 120 au compteur, c'était Niagara avec le titre AC, précédé du groupe Soul Sister, qui est un groupe belge. Écoute, je savais pas ça, tu nous en apprends tous les jours. Bah, tous les mardis au moins, parce que c'est vrai qu'on se voit assez régulièrement quand même maintenant, mais je viens pas tous les jours pour te voir non plus. Hein. Faut non, pas c'est exagérer. Vrai. C'est vrai. Donc oui, alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié de dire, cette heure-ci, on va faire gagner deux places pour le Circus Universal. Donc c'est un cirque, on va dire un peu... nouveau. Un peu moderne, ouais. Un peu moderne dans son genre. Il faut savoir qu'il y a la voiture des Transformers, tu sais, le Bumblebee, la voiture jaune. Qui monte sur ses roues. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font exactement avec cette voiture, si elle se transforme réellement ou pas, mais donc ils ont ça là-bas, ils ont un homme laser qui te fait un show apparemment de toute beauté. J'ai vu des petites vidéos comme ça. Ça a l'air vraiment génial. Et donc pendant cette heure-ci, on va vous faire gagner deux places. On va prendre le premier auditeur qui appelle. Alors, tu n'as peut-être pas précisé donc les dates. Du spectacle. Hein, donc le spectacle qui s'appelle Spectaculaire d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Le spectacle s'appelle Spectaculaire. C'est du 7 au 22 avril. Se situe à Tournai. Ouais, Chaussée de Bruxelles à Tournai. Chaussée de Bruxelles, c'est à la place de l'ancien contrôle technique. Voilà. Donc, si vous voulez y aller. N'hésitez pas à nous appeler donc au 056 34 11 81 ou depuis la France au 00 32 56 34 11 81. Le premier ou la première auditrice qui appelle remporte deux places pour le cirque. Alors n'hésitez pas à appeler forcément pendant les coupures musicales. Oui, de préférence. Ça nous arrangerait. Ça peut arranger tout le monde, je pense. Oui, effectivement. Allez, on se fait une petite coupure musicale et on revient juste après ça, après Michael Jackson et The Way You Make Me Feel. 107.9 FM. RLM. RLM 107.9 et surtout 120 au compteur ce soir avec aux commandes Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et derrière les micros, Véro. Bonsoir à tous et à toutes également. Et Stéphane, je ne sais pas ce qu'il fait là celui-là, mais il est venu en touriste ce soir. Je suis venu vous accompagner, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Tu sais qu'on t'aime beaucoup. Oh, c'est beau, c'est gentil. Alors, je suis venu également vous parler de différentes informations et notamment d'un festival qui va avoir lieu vraiment prochainement, puisque c'est ce week-end et ça démarre même vendredi soir. Oh, chouette. Alors, c'est un festival à tendance rock. Écoutez, je ne connaissais pas, et sachez que c'est déjà la 17e édition, c'est le Rock'n'Trolls Festival. Ça se passe à Leuze-en-Hainaut, donc c'est pas très très loin d'ici, hein, un petit peu plus loin que Tournai, entre Tournai et Hatte. Ouais. Et ce festival qui a lieu donc les 13 et 14 avril 2018 présente différentes scènes avec différents groupes rock. Alors, le prix d'entrée, franchement, pour ce type de festival, 6 euros pour un jour, 8 euros pour les deux jours. Donc, c'est vraiment très abordable. Je suis sûr que tu vas aller les deux jours, toi. Alors, je pense que je ne vais pas pouvoir aller les deux jours, mais en tout cas, sûr, j'y serai du samedi. Alors, brièvement, au niveau de la programmation, on retrouve des groupes le vendredi comme les Wanted Tortugas. Alors, il y a des noms sympas dans les groupes. Hein. Les Wanted Tortugas. On a également les Fiers Bretelles. Ah, ça, c'est sympa. Gustave Brassband. Et DJ Pourri et Jaco Manovic. Ah, je savais pas que ça existait. Pourri. Alors, on a des noms bien sympathiques. Ça, c'est pour le vendredi. Alors, nous, on connaît DJ Steph, hein, mais DJ Pourri. Et le samedi, alors, le samedi, ça va être réparti sur trois scènes. Alors, je vais peut-être pas vous donner tous les artistes, hein, parce que ça va faire beaucoup. Mais on aura entre autres, alors, encore un nom qui va vous faire rire, mais Fleddy Melculi. Oh. Fleddy Mercury. Oh, oh. Ah oui, d'accord, oui, bah oui, Fleddy Mercury, Fleddy Mercury, d'accord. Okay. On a les Brewed in Belgium, brassés en Belgique. Ouais. On a également alors Stand for Truth, Punish Yourself, Bubble Beer, Excellente Attitude, et un groupe moi que j'affectionne particulièrement, que je suis depuis de nombreuses années, ce sont les Hot Chickens, mon ami Hervé Loison, leader du groupe. Okay. Voilà, donc ça promet, ça va être très très festif, parce qu'on sait que dans les ambiances rock, bon voilà, c'est plutôt la fête, c'est plutôt bon enfant. Et comme le nom l'indique, le festival s'appelle Rock'n'Trolls, et autrement dit, je pense qu'on aura plutôt de la bonne bière, il paraît à un prix très démocratique. Ah, oui. À consommer quand même avec modération. Voilà, avec modération, on va pas faire de pub, mais pour 1,80€, je pense, vous allez boire une très très bonne bière qui ne sera pas une pils, voilà. On fait pas de pub pour l'alcool à la radio, mais on fait voilà un peu de voilà. Allez. Ouais, et puis enfin là on fait pas de pub, c'est juste que ça s'appelle Rock'n'Troll. Donc voilà. Oui. Il faut connaître qu'il y a une brasserie assez célèbre en Belgique qui n'est pas très loin sur Pipé, et pas très loin de Leuze-en-Hainaut. Hein, donc forcément. Voilà, alors je vous ai peut-être pas donné l'adresse exacte, hein, mais c'est assez facile à trouver puisque c'est l'avenue des Sports à Leuze-en-Hainaut. À partir de donc vendredi à partir de 17h et samedi à partir de 16h, et je rappelle le tarif, 6 euros pour un jour, 8 euros pour le pass pour les deux jours. Ok, bah très bien. Bah écoute, on va se retrouver après une petite coupure musicale que je dédicace à Arnaud, et il va comprendre pourquoi. Modern Talking. Arnaud Tirard des matinales, c'est Téléphone avec New York avec toi. D'accord. Allez, on se retrouve tout de suite après. Taillader, percé par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel d'État. jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans le club il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera. Que nulle part c'est chez moi. Eh oui, 120 au compteur, c'était téléphone avec New York, avec toi. Et donc, bah, on se retrouve donc pour reparler du cirque. On n'a toujours pas eu d'appel pour l'instant. On n'a pas encore de gagnant parce qu'on n'a pas encore eu d'appel au studio. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé dans le numéro. Alors ça sonne dans une autre radio, Sherlock. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que tu as vraiment assuré au niveau du numéro? Mais j'espère bien. Alors, je répète le numéro. Et puis on va peut-être rappeler d'abord que c'est pour le Circus Universal, oui. Hein, le spectacle qui s'intitule Spectaculaire. Donc spectacle qui a lieu du 7 au 22 avril 2018 à Tournai, chaussée de Bruxelles. Et apparemment un spectacle de cirque, mais qui innove avec entre autres donc la voiture des Transformers. Hein, c'est ça, qui se transforme en live dans le cirque, enfin, sous le chapiteau. Il y a un homme laser, enfin il y a pas mal de trucs qui sont assez révolutionnaires et qu'on voit pas dans d'autres cirques justement. Et on a l'occasion donc de vous faire gagner deux places pour assister au spectacle. Oui. Et alors, pour cela, il faut nous appeler Sherlock. C'est ça, au 056 34 11 81 ou si vous appelez depuis la France au 00 32 56 34 11 81. J'ai dit assez lentement pour que les gens aient le temps de noter parce que c'est vrai qu'on a tendance à le dire un peu rapidement, donc là je répète le 056 34 11 81 ou 00 32 56 34 11 81. Donc on va se faire une petite coupure musicale. Je sais pas encore avec quoi parce que j'ai rien préparé en fait. Hein. Bah bravo. Ah bah écoute, il faut. Ça m'étonne du tout. Ben oui. Alors on fait une petite dédicace en attendant à notre ami DJ Pourri. Oui, bah franchement, j'aimerais bien le rencontrer, franchement, DJ Pourri, parce que ça me. Bah ouais, j'adore ce nom. Franchement, je le trouve excellent. Alors je vais essayer de trouver un petit peu des infos hein, sur ce DJ et puis. Ok, bon bah ça marche. Bon, on repart avec Guru Josh Project et le titre Infinity, oui. Qui date de 2008. Et qui était déjà une reprise d'un titre alors qui doit être dans les années 90. Hein. Ouh là, 92, 93. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Ah ok, d'accord. Bon bah on regardera ça. Je vais essayer de voir si j'ai pas la version d'origine. Allez. Ça marche. 89FM. RLM. Alors, Gourou Josh, avec le titre Infinity. Écoute, je confirme, donc c'est sorti. Alors, j'étais pas très loin, mais finalement, c'est même sorti en 89. Ah, c'était oui. Plutôt donc tendance Acid House. Bon, le morceau qu'on entend avec ouais. Le remix qui est sorti en 2008, on garde la même base, hein, mais. Et donc, c'était déjà sous le même artiste, hein, donc Gourou Josh. Infinity, donc 89, remixé en 2008, remixé en 2012. Bon. Ah ouais, d'accord. Mais moi, j'avais vraiment souvenir hein, de cette version originale. Alors que j'essaierai de vous retrouver si. Je sais bah pah oui, si j'ai là, ça, j'ai, mais. Là, j'ai regardé dans mes cartons et je l'ai pas. Un morceau à ajouter dans le défi mix, hein, je pense. Oui. L'original, parce que moi, j'aime bien quand t'es, même. T'as combien de titres maintenant dans le défi mix? 700, 800, je sais. Franchement, je ne sais plus. C'est impressionnant, hein. Alors, Gourou Josh, hein, de son vrai nom, Paul Weldon. Rien à voir, quoi. Né donc au Royaume-Uni. D'accord. Voilà, on va pas faire toute sa biographie, hein, mais voilà, pas petite anecdote. Et puis. Et est-ce qu'il a fait d'autres titres alors, à part celui-là ouais, alors il y a des albums, si, alors il y a pas mal d'albums. Mais d'ailleurs, Infinity, qui était sorti en 90, c'est quand même à la base un album hein, de 11 titres. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on est en pleine période House, Acid House, New Beat. Ouais. À partir de l'année 87-88, on est dans cette mouvance-là. Et c'est vrai que maintenant, les titres ont tendance à revenir remixés. Remis un peu au goût du jour. Bon là même si ça a déjà 10 ans déjà quand même ce remix. Ah hein. Ouais c'est vrai. Ça nous rajeunit pas ça, merci Sherlock. Je t'en prie, mais t'inquiète, on va repartir dans le plus ancien encore après. Hein. Parce que là j'ai sauté une décennie, on était dans les années 80 tout à l'heure, je suis parti dans les années 2000. On va revenir en 90 et on va finir quand même avec les années 2010. C'est qu'on voyage avec toi. Ah oui. C'est 120 minutes 120 minutes de bonheur, 120 au compteur, c'est un voyage dans le temps. C'est une machine à remonter le temps. Alors les amis, oui. Pour parler d'autre chose, est-ce que vous voulez que je vous donne quelques infos pour un spectacle qui a lieu également ce week-end? Non, ça va aller. Non, alors c'est fini. Non, je déconne, vas-y. Ça alors, c'est une troupe également qu'on suit aussi hein, depuis quelques années. Alors, je vais essayer de vous donner toutes les infos qui sont présentes sur le flyer. Hein, donc, c'est la troupe De Temps en Temps qui a déjà assuré quelques spectacles, hein, notamment Paris On T'aime ou Les Danseurs du Père Noël, un spectacle qui revient chaque année et puis qui est, on va dire, remis au goût du jour et puis modernisé chaque année et qui tourne pas mal hein, donc depuis de nombreuses années. Et donc, ici, ils nous proposent leur nouveau spectacle qui s'intitule « Quand les stars s'en mêlent ». Alors, c'est un mélange de comédie et de danse. Et là, on va être dans les premières représentations qui vont avoir lieu un petit peu dans leur endroit fétiche, on peut le dire, à Waterloo. Et ça va se passer dans la salle Roger Salengro. Donc c'est à partir de ce vendredi, hein, vendredi, samedi et dimanche. Alors pour toutes les informations, c'est bien simple, c'est le site officiel de la troupe de spectacle, donc le www.spectacle-de-temps-en-temps.fr. Spectacle okay. Au pluriel, le tiret du 6, de temps en temps, tout attaché, .fr. Donc pour les réservations également, ça peut se faire via le site internet et puis bon vous pouvez également les retrouver via Facebook, il y a une page qui est dédiée au spectacle Quand les stars s'en mêlent. Et il y a notre ami Harry qui est dedans. Oui, en plus. Il est dedans et d'ailleurs qui est très très occupé hein, puisqu'il est également en répétition hein, ces derniers temps pour le spectacle. C'est ça. Alors comment on pourrait dire le résumé du spectacle ou le on va pas dire le synopsis, c'est pas un film mais c'est des moments cultes du cinéma et des artistes adulés par toutes les générations réunis dans un show démentiel. Ça promet. Et les connaissants, je pense que ça va être un très très beau spectacle. C'est même pas je pense, j'en suis sûr. Et j'espère pour ma part que j'aurai l'occasion de les voir, car ce week-end, j'avoue que ça va être un peu compliqué. Entre les trolls et les spectacles. Ouais, tu peux pas tout faire, hein. C'est vrai. Mais voilà, moi je vous conseille fortement les spectacles de la troupe de temps en temps. Donc n'hésitez pas à les retrouver. Puis si vous manquez des informations, vous pouvez toujours nous contacter via la page officielle Facebook de l'émission. Oui, 120 au compteur, émission 120 au compteur. Ou même on pourra peut-être relayer ça sur la page directement de la radio, donc RLM 107.9. Exactement. Voilà, on va se retrouver donc après une petite coupure musicale. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez d'un artiste, si vous vous en souvenez vu qu'il vient de revenir sur le devant de la scène, c'est MC Solar.

MC Solar dans 120 au compteur, c'était en 2001. Et en fait, il s'est arrêté, ça fait déjà 10 ans. Il s'est arrêté en 2008. Oui. C'était son dernier album. Alors, je me souviens plus du nom de l'album. Mais là, il vient juste de revenir avec un tout nouvel album. C'est vrai qu'il a mis du temps pour revenir, mais il est revenu avec, je pense, quelque chose d'assez sympa. Il passait tout son temps au Resto du Cœur, hein, je pense. C'est vrai qu'on le voyait. Pas littéralement, il allait pas chercher avant. Non. Enfin, j'espère pour lui. Mais... Non, on la trouve des enfoirés, tu veux dire. C'est ça, oui. Mais c'est vrai qu'on le voyait, on le voit toujours d'ailleurs, mais chaque année hein, dans le spectacle, effectivement. C'est vrai. Oui. Bah c'est lui qui avait écrit d'ailleurs l'une des dernières chansons avec, je pense que c'est avec Soprano. Ah oui. L'une des dernières chansons qui a été écrite pour les Enfoirés, c'est MC Solar et Soprano. Donc oui, il est actif. Alors il est actif beaucoup pour les Enfoirés. Et c'est vrai que ça faisait déjà pas mal de temps qu'on lui demandait, enfin que les gens lui demandaient pour revenir sur le devant de la scène. Il avait pas trop envie et c'est vrai que là ça faisait 2 ans où il en parlait un petit peu sur les réseaux sociaux ou dans les radios quand il était invité. Et là ça y est, il a enfin sorti son nouvel album. Voilà. Quand même. Avec le premier extrait qui est sorti, bon, maintenant il y a déjà pas mal de temps, hein, quelques mois avec Sonotone. C'est ça, oui. Il y a eu ensuite Exasote. Oui. Et là, il y a un nouveau titre dont je ne retiens jamais le nom. Et là, je ne vais pas pouvoir t'aider, mon ami Sherlock. Mais c'est pas grave. Mais oui. On peut pas être sur tous les sujets. C'est vrai. Alors, il y a également un événement dont tu voulais nous parler qui va se passer en juin. Alors, en juin, ici, j'ai sous les yeux un flyer pour un concert qui va avoir lieu au domaine de la Blomberie à Moucron. Oui. On est comme pour le festival de tout à l'heure, là, on est dans une tendance rock puisque ça va être plutôt du blues et du rock'n'roll avec le groupe Fred and the Healers. Qui se sont déjà produits, alors je pense en 2017 certainement, oui, dans ça, oui, le cadre de la fête nationale, oui. Hein, le 21 juillet à Moucron. Il s'était produit au kiosque. Donc certainement, alors je pense même les avoir vus, parce qu'en général c'est vrai que sur le kiosque hein, qui est dans le parc de Moucron, lors de la fête nationale, il y a toujours des très bons groupes qui se produisent en live. Et donc Fred and the Healers, vous aurez l'occasion de les voir au domaine de la Blomberie le vendredi 1er juin 2018 avec des tarifs en prévente à 7€ et à 10€ le jour même. Donc voilà, c'est des tarifs tout à fait démocratiques, tout à fait abordables. Et je pense qu'il y aura même DJ Pimpon, il me semble, qui sera présent et qui lui va mixer aussi sur des chansons de blues rock. Ah oui. Ah, c'est vraiment une soirée à c'est thème comme oui, ça. Oui. Et enfin, c'est spécial parce que j'ai jamais entendu mixer sur du blues rock, donc je me dis. Non, alors c'est pas forcément. Moi qui m'intéresse aussi pas mal dans le domaine aussi rock, rockabilly. Bon, j'ai l'occasion de voir des DJ. Alors c'est vrai, on n'est pas sur du mix au tempo comme on peut le faire dans l'électro ou peut-être même dans le R&B, mais. On est plus sur de la sélection et puis si des enchaînements, on va dire sans coupure. Et d'ailleurs, il y a un très bon festival, moi, que je vous conseille. Bon, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est au mois de novembre et c'est chaque année. Ah oui, c'est chaque année sur Roubaix, c'est le Vintage Weekender Festival. Et là, pour les amateurs de rock à l'ancienne et de tout ce qui tourne autour du vintage et des années 50-60, franchement, c'est un très très bel événement qui a lieu chaque année. Qui est gratuit. Et là, on a, au cours de ce festival, l'occasion de voir des DJ qui se produisent également. Il y a des concerts, il y a des groupes live, mais il y a également des DJ, des pointures, et puis surtout des gens qui ont des très très bons disques également. Et franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Si vous appréciez ce genre de musique, oui, c'est une date que je vous conseille, et on en reparlera bien sûr, parce que d'ici oui, là, bien sûr. Ouais, c'est vrai que... Normalement, on aura l'occasion de se revoir. Ok. Et ben là, on va se retrouver tout de suite après cette chanson que je vous propose. C'est les Naturally Seven avec le titre Feel It in the Air Tonight. Alors, c'est une reprise de Phil Collins. Oui, exactement. Alors, Naturally Seven, c'est un groupe vocal. Oui, oui. Et alors, si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, tapez Naturally Seven dans le métro. Ils ont fait une chanson en live dans le métro parisien. Ils étaient en fait en route pour aller à la salle de concert. Et ils ont chanté cette chanson-là dans le métro au milieu de tout le monde. Et franchement, c'est excellent. Allez, je vous passe tout de suite le titre. Alors là, c'est pas dans le métro, c'est à la radio. Mais vous allez voir, c'est très très bien aussi. Oh Lord! Fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Alors, je ne sais pas pourquoi, cher Doc, mais. On dirait plutôt, plutôt un train quand ils ne sont pas en grève. Ah bah. Enfin, même quand ils ne sont pas en grève, ils arrivent à être en retard. C'est plutôt un train vapeur, hein, d'ailleurs. C'est vrai. Non, non, mais c'est un excellent groupe vocal. Alors, ils n'ont pas percé plus que ça en France. Aux États-Unis, je ne sais pas. Mais on était en antenne. J'étais en train de vous montrer la vidéo dans le métro. Franchement, c'est les mêmes voix que dans la chanson. Ouais, hein, franchement, il y a rien de changé. Il n'y a pas d'autotune. Moi j'avais un doute, est-ce qu'il n'y avait pas une ligne de basse derrière, et c'est vrai qu'effectivement apparemment tout est à la voix. Ouais, tout est fait à la voix, effectivement. Alors moi je vais vous parler d'un film. Bah oui, quand même. C'est sorti un mercredi après-midi. J'ai même pas encore donné la date. Ah oui, j'ai pas l'habitude. Attends, on a refait. Alors, donc, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2014 et plus précisément le 13 août 2014. Un mercredi. C'est ça, Onissa, effectivement. Ah, c'est à peu près ça. Ça se rapproche. Qu'est-ce qu'on est médisant des noms. Je lui fais un petit coucou. Oui, ah, pour les auditeurs qui ne connaissent pas 120 au compteur, ne vous inquiétez pas. C'est normal, on est comme ça d'habitude. Ouais, vous êtes bien sur RLM, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, le film a été réalisé par James Gunn. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Toujours pas. Alors, la musique est de Tyler Bates. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Toujours pas. C'est mal parti. Alors, je vais vous dire, le film a fait 2 393 763 entrées au box-office français. Il a récolté 8 prix, dont 4 Saturn Awards, et 9 nominations, dont 2 BAFTA et 2 Oscars. Mmh. Alors, donc c'est que ça a plutôt bien fonctionné, oui, on peut le dire. Bon, mais ça ne me donne pas d'indice. Je vais vous donner peut-être des noms d'acteurs, ça va peut-être vous mettre sur la voie. Alors il y a Glenn Close qui a joué dedans, oui. Benicio del Toro, Vin Diesel. Vin Diesel, c'est plus pour la voix. Il a prêté sa voix. Dave Bautista, Zoe Saldana. Et l'acteur principal, c'est Chris Pratt. Mm-hmm. Chris Pratt qu'on a retrouvé dans Jurassic World. Alors, est-ce que ça vous parle un peu? Non. Du tout. Ok. Alors, si je vous dis que c'est un... comment je pourrais dire ça? C'est un film de l'univers des super-héros. Oui. Est-ce que ça vous avance un petit peu? Toujours pas. Bon, ok. Donc il y je vais beaucoup, vous. Hein. Alors je vais vous passer une chanson qu'il y a dans le film. Écoutez bien, c'est celle-ci. Ça vous connaissez quand même. Ah oui, oui. Donc ça c'est les Jackson 5. Avec le titre I Want You Back. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Bon, forcément, la chanson, oui. Oui, bien sûr, la chanson, est-ce oui. Est-ce que ça vous rappelle un film qui est sorti en 2014, hein, je le rappelle. Ah oui, donc je le rappelle, c'est plutôt, ça fait à peine 4 ans, c'est quand même assez récent. C'est récent. C'est récent, ça. Maintenant, si je ne l'ai pas vu, ça doit être récent, ça va pas m'aider. Effectivement, c'est vrai. Alors, bon. Alors je vais vous passer un extrait de dialogue, ça va peut-être vous aider. Écoutez bien cet extrait-ci. Si on veut se faire la belle, il va falloir qu'on accède à ce mirador. Pour ça, j'aurai besoin de 2-3 trucs. Les gardes ont des brassards de sécurité pour contrôler leurs entrées et leurs sorties. Il m'en faut un. Je m'en occupe. Vous voyez ce type? Il me faut sa prothèse. Bon, d'accord. Et enfin, sur le mur derrière nous, il y a un panneau noir. Derrière, il y a une batterie au Quarnix. Elle me sera indispensable pour accéder au mirador. Pardon, mais cette boîte est à 6 mètres de hauteur, en plein centre du local le plus surveillé de la détention. C'est totalement impossible de l'atteindre sans se faire repérer. Un détail qui a son importance. Dès qu'on débranchera la batterie, toutes les alarmes de la prison vont se déclencher en même temps. Une fois que ce sera fait, on n'aura plus une minute à perdre. Autrement dit, c'est la chose à faire en dernier. Ou alors on l'arrache tout de suite et on improvise. Je m'occupe du brassard. Prothèse. Alors, est-ce que ça vous parle un petit peu? Bah non. Bon, ok. Alors, peut-être avec le... Ah, je pense que le deuxième extrait de dialogue peut vous parler parce que... Il y a un petit indice, justement, on donne des noms dedans. Donc ça va peut-être vous parler plus. Je crois que j'ai un plan. Toi, t'as un plan? Ouais. Primo, déjà, c'est une phrase à moi, ça, j'ai un plan. Non mais ça va pas, tout le monde dit ça tout le temps. Et puis j'ai un plan, c'est pas une marque déposée. Et deuxièmement, j'y crois pas une seconde que t'as un plan. Ok, j'avoue, une partie de plan, si tu préfères. Une partie? Quel pourcentage? Toi, tu n'interviens pas dans la conversation, après le cirque que t'as fait sur Nowhere. Je viens de sauver Quill. On est tombé d'accord pour dire que bombarder quelqu'un, c'est pas le sauver. Quand ça, on est tombé d'accord? Mais il y a 3 secondes! J'avais la tête ailleurs. J'écoutais pas. Quel pourcentage? J'en sais rien. Disons 12%. 12%? 12%, c'est pas un plan. Ah bah d'accord, t'es de leur côté? Je s'appelle Groot. Comment ça? C'est toujours mieux que 11%. Ça veut dire quoi, ce genre de réflexion? Merci, Groot. Merci. Alors, il y a eu des noms qui ont été donnés. Oui. Il y a Quill et il y a Groot qui dit « Je s'appelle Groot ». Harry, on va appeler Harry. Harry. Ah, c'est vrai que Harry. Okay. Quoique je pense que. Parce que c'est pas trop. C'est trop récent pour lui. Non, mais je pense que là, Canon aurait été beaucoup plus vif à répondre là-dessus. Bon, je vais vous donner le dernier indice et on se retrouve tout de suite après. Écoutez bien la chanson. Get me wrong, don't think you got it made. Eh oui, donc nous sommes de retour dans 120 au compteur. Et donc je vous parlais d'un film que les moins de 20 ans connaissent forcément. Alors, si... comme on a plus... ouais, ça doit être ça. On a un peu discuté hors antenne, mais on n'a pas trouvé le titre pour l'instant. On tourne un peu autour, a priori. Oui, alors bon, c'est un film de l'univers Marvel. Je vais vous donner le pitch du film, ça va peut-être vous aider. En 1988, alors que sa mère agonise dans une chambre d'hôpital, le jeune Peter Quill s'enfuit en pleurs avant d'être aspiré par un vaisseau spatial. 26 ans plus tard, il est devenu Star-Lord, un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l'univers tout entier. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec 4 aliens disparates, Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde végétal ressemblant à un arbre et porteur d'armes de Rocket, l'énigmatique et mortel Gamora, ainsi que Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat, aussi désespéré soit-il, pour sauver ce qui peut encore l'être. Alors, ça ne me dit rien du tout. Ça vous dit rien du tout. J'ai pas dû voir. C'est... Ok, bon, alors... je vais vous donner le titre, c'est Les Gardiens de la Galaxie. D'accord, oui. Alors, est-ce okay. que le titre vous dit quelque chose? Oui, oui, mais alors je confirme, je n'ai pas vu le film. Il y a des auditeurs qui l'ont. On a Arnaud qui nous suit et qui avait trouvé le titre du film. Qui nous donne le titre une fois que tu l'as donné. Hein. Il n'y a pas un peu de triche là. Non, il était en train de le noter quand je ne l'avais pas encore donné. D'accord. On va dire que c'est limite. C'est sur le gong. C'est sur le gong, effectivement. Alors, donc, je vais vous donner quelques petites anecdotes par rapport au film. Et alors, donc il y a Joel Edgerton, Jensen Ackles, Lee Pace, Wes Bentley, Cam Gigandet, Logan Marshall Green, Garrett Hedlund, Chris Lowell, James Marsden, Jim Sturgess, Joseph Gordon-Lewis, Aaron Paul et bien d'autres ont été consultés pour le rôle de Peter Quill, donc Star-Lord, mais c'est finalement Chris Pratt qui a eu l'honneur d'avoir le rôle. Sacré casting. Bah oui. Bah c'est vrai que mais alors Joel Edgerton il est dans un film en ce moment au cinéma. Je sais pas si je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Alors, il faut savoir que Adam Sandler, David Tennant et Jim Carrey ont tous été approchés pour prêter leur voix au personnage de Rocket Raccoon, mais c'est Bradley Cooper qui sera retenu. Et d'ailleurs, la voix française qu'on entend, c'est la voix officielle de doublage de Bradley Cooper. Alors, avant que le rôle de Gamora ne soit attribué à Zoe Saldana, il était censé revenir à Olivia Wilde, donc c'est une qui a joué dans Doctor House notamment. Qui était numéro 21, je crois, ou quelque chose comme ça, ce qui leur donnait des numéros. Gina Carano, Rachel Nichols et Adrienne Palicki ont également été évoqués pour incarner la mercenaire extraterrestre. Alors certains se souviendront que dans Avatar, donc en 2009, Zoé Saldana campait une alien à la peau bleue. Oui, effectivement. Ah oui. Dans Les Gardiens de la Galaxie, on la retrouve une nouvelle fois sous les traits d'une alien, cette fois-ci à la peau verte. Pour ce rôle, l'actrice a choisi de revêtir une importante couche de maquillage plutôt que de procéder par capteur de mouvement comme ce fut le cas dans le film de James Cameron. Karen Gillan a dû se raser entièrement le crâne pour le rôle de Nebula. Chris Pratt, lui, a dû se séparer de ses rondeurs pour celui de Peter Quill. Et donc 6 mois durant, il a suivi un régime et un entraînement strict qui lui ont permis de perdre près de 30 kilos. Et d'obtenir une musculature parfaite. Quant à Benicio del Toro, il a accepté de se faire décolorer les cheveux pour incarner le collectionneur. Eh ben dis donc. Eh ben, on va faire. À l'heure du numérique, hein, c'est quand même rare maintenant autant de transformations physiques. Ouais. Ouais. Alors doubler le personnage de Groot s'est révélé un exercice thérapeutique pour Vin Diesel. Bah oui, parce que c'est lui qui le double. Alors donc il était affecté par le décès de son ami et collègue sur Fast and Furious. Paul Walker. Donc selon l'acteur, l'innocence et la sensibilité du colosse floral lui ont permis de faire le deuil de son camarade qui a trouvé la mort dans un brutal accident de voiture. Vin Diesel, qui prête sa voix au personnage de Groot, a révélé avoir enregistré le célèbre « I am Groot » plus de 1000 fois. En effet, c'est le héros de Fast and Furious qui double l'alien végétal dans les versions chinoise, anglaise, russe, espagnole, portugaise et surtout la française où on peut l'entendre scander « Je s'appelle Groot ». C'était lui qu'on entendait tout à l'heure, c'était la voix de Vin Diesel. Et enfin, donc, lorsque l'ex-catcheur Dave Bautista, donc, qui joue le rôle de Drax le Destructeur, a appris qu'il était retenu pour le rôle de Drax, il n'a pas pu retenir ses larmes, submergé par l'émotion, fier de participer à une adaptation Marvel. Il a aussitôt pris des cours afin de se mettre en condition pour le tournage. Et c'est vraiment une armoire à glace, hein. J'aimerais pas être devant lui, franchement. Bah écoute, voilà, tu nous en apprends et non, c'est vrai qu'effectivement, je sais pas toi Véro, mais non, forcément du coup, je vous le conseille. Je vous le conseille parce que le film est en plus bourré d'humour. On a pu entendre déjà dans les deux petits extraits, notamment Groot qui est un personnage, on va dire un peu simplé. Parce qu'il dit que je s'appelle Groot. Hein. Il le dit sur tous les temps possibles. S'il n'est pas content, il va faire je s'appelle Groot. Mais il dit toujours ça. Il sait dire que ça. Mais c'est un peu. C'est le. On va dire le buddy movie. Tu sais, le film un peu comme L'Arme Fatale. T'en as un qui est sérieux, l'autre qui fait des conneries. Là, c'est un petit peu le truc avec. Avec ça, il y en a un qui essaye d'être sérieux. Puis t'as les autres qui font les cons à côté. Quoi. Donc c'est. Un petit peu comme dans 120 au compteur. C'est ça. T'en as un qui essaye d'être sérieux. Et les autres n'importe quoi. Enfin, je parle, bon, on va dire en temps normal, hein, dans les autres semaines. Ce soir, ça oui, va. Oui, bien sûr, forcément. Canon, Onissa et Harry ne sont pas là. Donc, tu vois, comme quoi, les éléments perturbateurs ne sont pas là ce soir. Bon, je vous propose de se retrouver avec après une petite coupure musicale. On va se retrouver après la chanson Désolé pour hier soir du groupe Trio. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite dans le macadam a besoin d'un Doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là? Oh ça va, tu vas pas nous gonfler. Qu'est-ce qu'il y a Guy, t'as quelque chose à me dire? Moi hier t'étais pas bourré. Ouais, t'étais pire. Oh, prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, refile le cours de ma soirée. Les tickets de carte bleue, quelques tickets de caisse me font remonter le temps. Ta Ferrari n'est pas là, tu ne l'as pas prise avec toi. T'as dû la laisser au milieu du parking du Macumba. J'ai la mémoire qui flanche et les yeux rouges. Et en plus, surprise, dans ton lit ça bouge. Sur Scoolaman, t'as aidé un homme. T'as ramené croisé de Jackie Sardou et d'un Pokémon. T'as du style, t'as du style, t'as du style et mon frère. Quand tu vois d'autres, tu ramènes de la bombe nucléaire. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. D'avoir fini à l'envers. Promis demain, j'arrête de boire. Hier c'était la dernière. Bon ben salut, on s'appelle. Fille remerciée, 17h, je provoque une assemblée. J'ai des relents de gin, de vodka, de cahier, de saké. T'as l'œil qui part en vrille. Y'a des coins dans vos sourires, on me cache quelque chose. Qu'ai-je pu bien faire de pire? Allez, mani, mani, mani, et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. C'est pas, rappelez-moi, je me souviens pas les gars. Bah, t'étais grave hein. T'as pété ton câble. Souviens-toi. Eh oh, eh oh, t'es monté sur le chapiteau. Accroché au cordage, t'as failli t'aplatir comme un blaireau. Eh oh, eh oh, tu voulais pas redescendre. Quitte à vivre en hauteur, c'est mieux que de se pendre. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. D'avoir fini à l'envers. Promis, demain j'arrête de boire. Hier c'était la dernière. Fallait mani mani mani et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani mani mani et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Me voilà donc fin prêt pour de nouvelles résolutions. Un esprit de sainteté dans un super corps de champion. Me voilà donc prêt, je me colle devant la télé. Soupe de légumes, bol de thé et qu'on me foute la paix. S'il faut qu'on puisse à ce point être mal le lendemain. Dans son canapé, dans ton canapé on est bien. À quoi bon sortir, se foutre la guerre? Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier. Se dire ses promesses. Désolé pour ce soir, si je finis à l'envers. Mali, on se retrouve au comptoir. Titi fête son anniversaire. Et désolé pour ce soir si je finis à l'envers. Alors, Sherlock. Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. R.L.M. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. R.L.M. R.L.M., c'est toujours aussi bon. C'est vrai, j'allais engueuler Sherlock alors que c'est Lee Jones qui était en retard. Bah oui, effectivement. Du non, coup, je sais pas, ça s'est lancé. J'ai appuyé, mais ça ne s'est pas lancé. Lee Jones d'Imagination. Hein, oui, Lee Jones d'Imagination, ouais, qu'on avait rencontré. Alors, c'était il y a de ça environ 2 ans, je pense. Il était venu pour un concert au CSE d'Oitrelot. Et on avait eu la chance de le rencontrer donc avec Harry. Grand groupe de funk hein, dans les années 80, franchement. Imagination avec pas mal de titres qui, sympas. Qui passe régulièrement sur RLM, hein, sur l'antenne d'RLM. Effectivement. Il y a d'ailleurs Daniel Vallon qui a passé un titre d'Imagination hier soir, entre 17 et 19h. Ouais, parce que j'écoute toutes les émissions d'RLM, attention. 24h sur 24. J'essaye, c'est pour ça que j'ai des valises sous les yeux. Alors, à propos d'émissions sur RLM. Oui. Est-ce que tu as connaissance d'une nouvelle émission qui devrait démarrer alors, prochainement? On en a déjà parlé. Ah oui, j'en entends parler, mais après... On en parle. On aimerait bien voir hein, des petites infos par rapport à cette émission. Alors effectivement, on en a déjà parlé. Et puis voilà, donc je ne vous le cache pas, en fait, cette émission me concerne. Oh, chouette. Alors l'info que j'avais pas lorsqu'on en a déjà parlé il y a quelques semaines, c'était le nom de l'émission. Je peux déjà vous annoncer que ça s'intitulera... Mix H, puisque vous allez y retrouver DJ Steph H, donc moi-même. Ça se déroulera le samedi de 20h à 22h et ce sera 2 heures de mix non-stop avec une programmation des années 80 à aujourd'hui, un mélange d'époques, comme j'avoue, j'aime bien le faire également en soirée. Donc du mix au tempo et puis donc une programmation qui vous permettra de bien débuter la soirée hein, le samedi soir. Hein, c'est l'ambiance plutôt festive qui donne envie de danser, qui donne envie de sortir. Et sachant que à partir de 22h, vous retrouvez notre ami Arnaud Tirard qui est également en mix de 22h à minuit. Donc on va dire sur la même thématique. Et ça veut dire que vous allez retrouver 4 heures de mix chaque samedi sur RLM. D'accord. C'est super ça. Donc c'est toi qui vas lui chauffer la place. Je vais grosso modo lui chauffer la place. Après, Donc s'il fait des bonnes audiences, c'est grâce à toi en fait. Ce sera effectivement grâce à moi. Alors ça va démarrer, je ne peux pas encore vous donner la date exacte pour des raisons techniques. On attend encore quelques petites infos et puis quelques petits jingles hein, notamment. Mais voilà, alors peut-être ce samedi ou le samedi suivant. En tout cas, de toute façon, on mettra toutes les infos sur la page Facebook officielle de 120 au compteur et puis également de RLM et sur le site internet de RLM. Oui, donc c'est www.rlmradio.com. Alors, on a déjà notre émission qui est apparue hein, sur le site avec les podcasts. Si vous voulez écouter les dernières émissions qu'on a faites, vous allez sur le site donc rlmradio.com, vous cliquez sur le petit onglet des podcasts et là, vous avez donc les podcasts de l'émission ou si vous voulez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission, pareil, hein, vous pouvez aller sur le site ou sur Facebook. Hein. Alors sur Facebook c'est facile, c'est 120 au compteur. Et sur le site de la radio, rlmradio.com, vous allez dans programme et là vous avez toutes les émissions de la radio qui sont disponibles avec... effectivement donc un petit bouton pour aller sur la page Facebook de l'émission. Oh, c'est beau. Non, franchement, on n'arrête pas le progrès. Moi, j'adore. Et puis, tu nous présentes ça merveilleusement, Sherlock. Ben oui, mais je sais. Moi, des années d'expérience. C'est ça. Il fait toujours ça avec amour. Ben oui. Bon, si on se faisait une petite coupure musicale, tiens. Alors, avec un titre des années 90, c'est Ace of Base. Alors ça, là, c'est un méga mix. Je me suis dit, je vais pas en mettre une parce que je savais pas choisir. Donc j'ai mis un petit méga mix qui dure environ 3 minutes et demie. On se retrouve tout de suite après. Allez. Et oui, donc 120 au compteur avec un mix d'Arnaud Tirard de Ace of Base. Non, je déconne. T'es viré, Charlotte. Non, c'était pas Arnaud. Écoute, c'est pas Arnaud Tirard qui mixait ça. Alors franchement, il faut savoir que c'est un méga mix officiel du groupe. Franchement, je le trouve mou du genou. Écoute, t'as peut-être de la chance s'il est plus à l'écoute, hein, mais en tout cas, oui, effectivement, on peut pas vraiment appeler ça un mix, ouais, un méga mix. Bon, après, c'est vrai que les méga mix qui sont sortis en général, c'était pas non plus des choses extraordinaires. Même, souvent, c'est mixé au tempo, là, t'as limite des blancs entre deux, quoi. C'est... Ouais, ils auraient au moins pu insérer des jingles entre deux morceaux, ça aurait pu passer. C'est vrai. Bon, mon ami Sherlock, je profite d'avoir la parole pour faire une petite dédicace à une amie qui nous écoute ce soir, Mélanie, du côté de Tourcoing. Donc, on a passé la frontière, voilà. Donc, on te salue ici avec Véro. Bonsoir, donc, Mélanie. C'est mademoiselle Zetoffray, c'est ça? Oh là, oui. Bah oui. C'est Mélanie Zettoffray, c'est ça? J'adore ton humour, Sherlock. Je sais, on me le dit souvent. Donc, une nouvelle auditrice d'RLM. Donc, on te fait des gros bisous, Mélanie. Un grand merci oui, à toi. Gros bisous à toi. Et on t'attend dans les studios quand tu veux. Tu peux passer nous voir, il n'y a aucun problème. Avec plaisir. Tu nous remets un petit coup à boire et on est toujours très bien accueillis ici. Ça y est, c'est parti. Bon. moi, je vais vous parler des sorties ciné. Donc pour demain, pour la Belgique et pour la France, je vais commencer avec la Belgique, donc pour ce 11 avril, avec le film Carnivore. C'est avec Leila Bekti, Zita Anroth, Maximilien Poulain, et c'est un film de Yannick et Jérémy Régnier. Donc Jérémy Régnier, c'est celui qui avait fait Claude François il n'y a pas très longtemps dans le film oui, Clo-Clo. Ouais, ouais. Et ça, c'est sorti en France le 28 mars. Alors donc c'est Mona qui rêve depuis toujours d'être comédienne. Et au sortir du conservatoire, elle est promise à un avenir brillant, mais c'est Sam, sa sœur cadette, qui se fait repérer et devient rapidement une actrice de renom. À l'aube de la trentaine, à court de ressources, Mona est contrainte d'emménager chez sa sœur, qui, fragilisée par un tournage éprouvant, lui propose de devenir son assistante. Sam néglige peu à peu son rôle d'actrice, d'épouse, de mère et finit par perdre pied. Ces rôles que Sam délaisse, Mona comprend qu'elle doit s'en emparer. Donc là, elle va peut-être tenir sa chance. Ensuite, le film Rampage, hors de contrôle, c'est avec Dwayne Johnson. Donc c'est The Rock, pour ceux qui ouais. connaissent, enfin qui sont fans de catch. Malin Ackerman, Naomi Harris, et c'est un film de Brad Peyton. Ça sort le 2 mai en France, alors profitez d'aller le voir en Belgique si vous voulez le voir un peu en avance. Donc c'est donc David O'Koy, qui est primatologue de profession, qui a de plus en plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris d'affection pour George, adorable gorille d'une intelligence hors du commun, dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n'est pas le seul, puisque d'autres animaux se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du pays, détruisant tout sur leur passage. Et donc O'Koy décide alors de travailler d'arrache-pied avec une généticienne pour mettre au point un antidote. Pourront-ils empêcher à temps la planète d'être ravagée? On part sur les trucs un peu style King Kong ou Jurassic Park, où ouais. les animaux deviennent incontrôlables. Et c'est du film à gros budget, hein, forcément. C'est avec les Américains, ils font pas ça non plus à moitié. Hein, donc je pense qu'il va y avoir du bon spectacle quand même. Ensuite sort en France et en Belgique le film Sherlock Gnomes. Ah oui. Eh oui, c'est pas toi. Moi. C'est pas moi, c'est mon cousin. Avec les voix de Michael Gregorio pour la France et Flora Coquerel. C'est un film de John Stevenson. Et donc savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné? Eh bien, ils s'amusent et préparent l'arrivée du printemps. J'avais une blague là-dessus, mais je vais pas la dire parce qu'elle est dégueulasse. Lorsqu'ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n'y en a qu'un qui peut voler à leur secours. Sherlock Gnomes. Le célèbre détective, fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son acolyte Watson pour mener l'enquête. Commence alors une incroyable aventure au cours de laquelle nos héros vont faire de nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville. Alors, le scénario, apparemment, les critiques disent que le scénario est très bien, il y a de bons rebondissements et pas mal d'humour. Là où ils pêchent un peu, c'est par l'animation. Ils trouvent que l'animation aurait pu être un petit peu mieux travaillée. Je pense avoir vu la bande-annonce. Mais bon, comme c'est un ouais. film qui est plus pour les enfants, je pense qu'ils vont pas se formaliser par rapport à ça. Et enfin, je vais finir avec le film Taxi 5 de Franck Gastambide. Donc, c'est sorti en Belgique le 7 avril, donc il y a quelques jours. D'ailleurs, c'est pas sorti un mercredi, contrairement à ce que Onissa pourrait penser, tu vois. Donc c'est avec également Franck Gastambide, Malik Bentala et Bernard Farcy, qui étaient déjà dans les premiers dans la première série des taxis. Donc c'est Sylvain Marot, qui est un super flic parisien et pilote d'exception, qui est muté contre son gré à la police municipale de Marseille. L'ex-commissaire Gibert, devenu maire de la ville, est au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable gang des Italiens, qui écume des bijouteries à l'aide de puissantes Ferrari. Et donc là, on va entendre encore le fameux « Alerte générale » de Bernard Farcy qui est dans tous les taxis. Et bon, alors... Moi je trouve il n'a pas été présenté à la presse encore. Ouais, je trouve ça un peu répétitif. Alors je sais même pas si le quatrième je l'ai vu, parce que bon, j'avoue qu'autant peut-être le premier bien sûr, et le deuxième qui était peut-être pas trop mal, ou le troisième je sais oui, plus. Oui, alors mais j'ai aimé les deux premiers. C'est vrai que le troisième et le quatrième, moi je les ai tous vus. Alors le premier c'était avec les Allemands, le deuxième c'était les Japonais, les mecs qui kidnappait le premier ministre japonais. Le troisième, c'était le gang des Pères Noël, avec la chinoise qui fait des trucs un peu olé olé à Emilien. Et le dernier, c'était le Belge. D'ailleurs, une caricature de Belge complètement loupée. Et ouais, à partir du deuxième, j'ai trouvé ça vraiment moyen. Bon, il y a aussi quelque chose qui me dérange un petit peu. Alors autant, c'est vrai que bon, Luc Besson, on est beaucoup sur de la cascade. Il y a des fois des très bonnes choses dans les films, mais alors... Je trouve que souvent le trait il est assez forcé, même au niveau des cascades, et c'est plus de la casse de voiture de police que de la belle poursuite. Oui. Ça m'a fait penser un peu. Ça me dérange un peu, moi, alors, la longue. Hein. Ça m'a fait penser un petit peu, alors dans un autre registre, au film Blues Brothers. Ah oui. Où à un moment il y a un monde de voitures de flics. Il y a un empilement de voitures de flics. Ouais. D'ailleurs, il a dû un petit peu copier l'idée. Ouais, c'est bien possible. C'est bien possible. Bon, alors là, c'est Franck Gastambide qui a fait dernièrement Pattaya, qui reprend le rôle de réalisateur. À voir ce qu'il va en faire vraiment, parce que ça n'a pas été présenté à la presse. Je sais pas, franchement, je suis un peu dubitatif. Bon, il y a plus Amina Seri, il y a plus Frédéric Diffental. Donc à voir vraiment, parce que ils ont ressorti la même voiture, La 407. La 407, ouais. Est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien, on sait pas, ça a pas été présenté à la presse, donc on peut même pas dire si les critiques sont bonnes. On le saura vraiment en allant voir ce film à partir de demain en France. En Belgique, ils ont déjà eu l'occasion de le voir depuis le 7. Donc si vous avez été voir le film, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur la page Facebook de l'émission 120 au compteur. Voilà. On se retrouve tout de suite après une petite coupure musicale, donc avec Marc Morgan, qui est un artiste belge, avec notre mystère, nos retrouvailles. Yeah. sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Et oui, toujours dans l'émission 120 au compteur. Vous êtes toujours avec DJ Stéphane. Oui. Avec Véro. Oui. Avec Harry. Oui. Non. Et avec Canon. Oui. Non. Et avec Odissa. Oui. Non, c'est bonjour. Enfin, non, ça fait plus salut, c'est Tata Chantal. Ah oui, tu la compares à Chantal Latsou finalement. Bon, écoute. Le physique de Mimi Mati, c'est la voix de Chantal Latsou. Onissa, si tu nous écoutes, ça va sûrement te faire plaisir. Je crois qu'elle est morte de rire si elle nous écoute. Je sais pas si elle peut nous écouter. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Wow, bah pourquoi pas. Je sais pas. On porte assez loin, aux limites. Ouais, bah, j'ai bon balai, hein, aux limites de Moucron, je pense qu'elle doit nous capter quand même. Elle m'a dit qu'elle était en vacances, je sais pas. Hein, ouais, elle est peut-être en bout de la planète. Elle, hein, elle m'a pas dit où elle partait non plus. Hein, donc. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne quelques informations pour un autre festival? Oui, bien sûr. Alors, on a encore le temps, hein, parce que ça va se passer fin juin, mais c'est sur Moucron, et donc forcément, ça nous concerne. C'est le CCRT Festival 2018. C'est organisé par le comité des commerçants du Riscontou à Moucron. Et c'est un festival qui existe maintenant depuis quelques années, puis qui se développe petit à petit. Et maintenant, qui a lieu sur 3 jours, puisque c'est à partir du vendredi 29 juin jusqu'au dimanche 1er juillet. Et c'est un festival, on va dire, très familial et assez éclectique, hein, puisque, entre autres, alors je ne vais pas vous donner tout le détail du programme, hein, qui n'est pas encore forcément paru, hein, sur leur page officielle, mais par exemple, vendredi, je peux déjà vous annoncer que c'est une soirée 80, qu'il y a également un feu d'artifice le vendredi, que le samedi, on est plutôt sur une animation DJ, avec notamment un concours, un DJ contest, dans lequel... auquel plutôt je participe, ah, hein, mes amis. Bien. Donc je représente les couleurs de RLM et puis 220 au compteur de mixage. Hein. Donc ça c'est pour le samedi avec derrière une soirée donc DJ. Donc là on est plutôt sur une ambiance plutôt électro. Et le dimanche on a un repas, on a une ambiance avec des concerts, une ambiance plutôt aussi thé dansant. Donc voilà, c'est pour tout public, c'est également pour les enfants, puisque je sais qu'il y a des jeux, je pense qu'il y a des jeux gonflables notamment qui sont installés à l'extérieur. J'ai entendu parler également qu'il y avait, je pense, je sais plus si c'est un concours, mais en tout cas des matchs de foot, je pense qu'ils sont aussi organisés. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez éclectique. Information importante, c'est que c'est un festival gratuit. Et donc ça se passe au niveau du Riscontou à Moucron. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler et peut-être même de recevoir ici dans le studio l'organisateur du festival, hein, voilà, avec qui je suis également c'est en contact. C'est en extérieur, mais on a c'est sous chapiteau donc pour certaines scènes, bon, notamment pour le repas, hein, le dimanche, etc. Ouais. Il y a une scène extérieure entre autres pour le samedi pour la partie DJ. Ouais, donc, ça va être un peu compliqué. Hein. C'est... ben, c'est un festival qui a pris pas mal d'ampleur. Moi, que j'ai connu il y a quelques années, j'avais eu l'occasion d'y mixer également. Lorsque je faisais partie d'une autre émission sur une autre radio, ça remonte à quelques années, je vous l'avoue. Et bon, en tout cas, c'est avec plaisir que je vais retrouver ce festival cette année. Donc, je rappelle les dates à partir du vendredi 29 juin jusqu'au dimanche 1er juillet. Donc, notez déjà ça dans votre agenda. Je note, très bien. Eh ben, moi, je vais vous parler d'autre chose. Attends, il faut que j'aille fouiller dans mon sac. Alors, ne quittez pas, cher Doc, qui est parti fouiller dans son sac. C'est ça, et c'est du live quand même. C'est impressionnant. T'as vu ça, hein ? 120 au compteur. C'est ça, du live. Tu m'impressionnes, cher Doc. De l'infotainment, comme on dit. Alors, moi, je vais vous parler du World of Geek. Ça va se passer à Moucron les 19 et 20 mai 2018. Donc, ça va se passer au Centre Expo de Moucron. Et donc, c'est en gros une sorte de convention pour les geeks, hein, comme ils savent le faire un peu partout. Alors, il y aura pas mal de célébrités, alors que vous ne connaissez peut-être pas, hein, si vous n'êtes pas trop sur Internet. Il y aura notamment David Lafarge, qui s'occupe beaucoup de Pokémon. Ouais, je veux dire ça. Miss Jirachi, Petit Quick, Winate, New Titeuf, Deolink, Sifano et Monsieur Bernard Minet. Ah tiens, le retour. Eh oui, Bernard Minet, bah oui, bah lui il est souvent dans les conventions et il aime bien. C'est un petit peu son gagne-pain maintenant, hein, du fait que le Club Dorothée s'est arrêté quand même en 97. Hein, donc lui depuis il surfe un petit peu sur la vague de la nostalgie. Donc il sera là-bas. Bon, à mon avis, il va chanter Bioman et puis. Comme il a fait dans. Alors je pensais qu'il avait arrêté un moment, mais puisque bon c'est vrai qu'il avait fait un peu une tournée un peu des discothèques, c'était un peu la mode à un moment, d'ailleurs même Chantal Goya aussi hein, qui a oui, fait oui, ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon là, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y aura également, alors je pense que c'est la semaine d'après, je pense que c'est le 27, le week-end du 27 mai, je pense, à Lille, il y aura les Geek Days, donc c'est également une convention avec, pareil, des youtubeurs, des choses comme ça, il y aura également les robots de la Guerre des Étoiles. Donc tout ce qui est R2-D2, BB-8 et tout ça, je sais pas si vous aimez la Guerre des Étoiles, enfin, Star Wars, Star Wars. Ouais, Star Wars, ouais, bien sûr. Ouais. Je le dis pour. Pourquoi tu traduis D'habitude on traduit en français, mais là je vous le traduis en anglais. Ouais. Mais non, donc effectivement il y aura ces robots là. Moi j'étais allé l'année dernière donc à la Geek Days de Lille. J'avais posé avec R2-D2, j'étais tout fier de poser. Tu es un vrai, tu es un vrai geek. Oui, oui, bien sûr. Mais je le revendique, je suis un geek, effectivement. Tu penses qu'il y aura Yoda ? Non, Yoda est décédé, malheureusement. Oh, c'est pas canon, Non, je pensais que c'était Oni, ça, moi. Non, il y aura pas Yoda. Par contre, effectivement, alors pour tous ceux qui sont fans de tout ce qui est système, alors moi je m'y connais pas là-dedans, mais tout ce qui est système Arduino, les choses comme ça, tout ce qui est modélisme et tout ça, eux construisent des robots donc de la Guerre des Étoiles qui peuvent diriger à distance et tout, leur faire des programmes déjà préinstallés. Enfin, c'est des trucs super complets, c'est vraiment très très bien fait. Il y aura normalement également la voiture de K2000, la voiture, la DeLorean de Retour vers le Futur. Donc là, vous pourrez prendre des photos, vous habiller en Marty McFly. Bien longtemps que tu ne l'as pas fait. Donc, nom de Zeus. Ouais, ça nous manque. Donc, effectivement, donc ça, à Moucron, ça sera donc les 19 et 20 mai. Donc c'est le World of Geek et ça va se passer donc au Centre Expo de Moucron. Plus d'infos sur le site worldofgeek.be ou le Facebook World of Geek. Voilà. Okay. Bien, bien. C'est bien. Alors, je vous propose une petite coupure musicale et on se retrouve juste après. Il reste plus grand chose comme temps. Là. Il reste à peine 10 minutes. Donc, on va se retrouver après Offenbach et Catchy, qui date de 2017. Ah, voilà, bah ça y est, on termine en beauté. Eh oui. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do. 89.9 FM. Et oui, donc de retour dans l'émission 120 au compteur, c'était Offenbach avec le titre Catchy. Et qu'est-ce qu'on a oublié de vous dire ? Qui plaît beaucoup d'ailleurs apparemment ce titre. Oui, c'est vrai. Bah non, mais les gens nous disent, ouais, enfin de la bonne musique. Bah oui, de la bonne musique parce que c'est les musiques actuelles, c'est les musiques que vous écoutez en ce moment et qui passent régulièrement à la radio. Sur n'importe quelle radio hein, d'ailleurs, c'est vrai que nous on est éclectique, on aime bien aussi les chansons des années 80, 90 ou 2000, parce qu'il y a eu des très bons trucs et d'ailleurs il y a des titres qui sont remixés aujourd'hui, comme on en a parlé tout à l'heure, Guru Josh Project qui date des années 80. Alors en revanche pour Guru Josh, c'est que c'est le même artiste qui est revenu donc en 2008 avec un remix de son titre qui datait lui de 89 et apparemment il y a un nouveau remix aussi j'ai vu en 2012 mais apparemment qui est sorti aussi sous le même nom hein, au niveau Guru Josh. Mais c'est vrai qu'en général, alors maintenant on a beaucoup de reprises ou beaucoup de samples, mais il y a énormément de morceaux des années 90 surtout qui reviennent maintenant. Mmh. Et qui marchent toujours d'enfer. Et comme quoi, et souvent, c'est vrai que maintenant les personnes ne connaissent pas forcément les originaux. Eh oui. Alors c'est par exemple, il y a un titre qu'on a beaucoup entendu l'année dernière, c'était Mad World. Alors je ne sais plus. Qui chantait ça, c'était en 2003 c'était Gary Jules qui l'avait chanté et c'était Jasmine Thompson qui l'avait chanté en 2017, Mad World, qui est une reprise des Tears for Fears qui n'a rien à voir du tout. Je vais vous le passer, attends, je vais essayer de le trouver. Il nous a ça en stock, Sherlock. Oui, bien sûr. Alors je vais couper la musique. Écoutez, ça c'est Jasmine Thompson en 2017. Ça vous connaissez. Bon, ok, maintenant bon, je vais couper et je vais vous faire écouter maintenant la version des Tears for Fears, ça n'a rien à voir. Oui, effectivement. Voilà. Et donc ça c'est la version d'origine. Alors tout le monde dit ouais, Jasmine Thompson, elle avait une super chanson. Alors déjà elle avait été reprise en 2003 par Gary Jules, mais en plus c'est même pas la version d'origine, parce que la version d'origine c'est celle-ci. Donc après les gens ils disent ouais, on écoute de la bonne musique, mais on avait de la bonne musique en 1980. Bien sûr, en 1983 il y avait de la bonne musique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprises et puis voilà, on connaissait. C'est vrai. Moi j'essaye maintenant, alors c'est vrai que j'aime bien, quand je peux passer les originaux, maintenant j'ai quelques reprises sympas aussi que j'ai l'occasion de passer dans mes mix en soirée, et puis effectivement dans les mix que vous allez pouvoir découvrir dans la future émission Mixage, hein, donc on attend la date officielle de départ, on a au moins déjà le nom de l'émission, le créneau, le samedi de 20h à 22h. Et donc effectivement ça va être des années 80 à aujourd'hui, donc un mélange. Moi c'est ce que j'aime bien, c'est que vous allez pouvoir avoir un morceau des années 80 enchaîné avec un morceau de l'année 2018, hein, tout est possible. Ah c'est bien ça. Enchaîné au tempo et puis on va naviguer comme ça sur presque 40 ans de musique. Et puis ce sera une bonne mise en jambe, hein, c'est le cas de le dire, pour débuter le samedi soir avant de sortir, pourquoi pas d'aller danser. Et sachant que derrière, voilà, une fois que ce sera bien chaud, à partir de 22h, vous retrouverez Arnaud Tirard pour la partie 22h minuit, dans la même mouvance, on peut le dire, hein, puisqu'on sera sur le même style de programmation. D'accord, ok. Ouais, effectivement, donc c'est toi qui... Toi t'es l'apéro, en fait. Je suis, je suis l'apéro mix, c'est le cas de le dire, oui. L'apéro mix, c'est pas mal, ça. On aurait dû appeler ça comme ça, tiens, au lieu du défi mix, ouais, l'apéro mix. Bon, à chaque titre mixé, un coup derrière le gosier. Mais je crois qu'au sixième, tu mixais n'importe quoi. Mais non, tu m'as vu samedi. Oui, c'est vrai. Effectivement. Bon, on se retrouve tout de suite après une petite coupure musicale avec Bruno Mars et Mark Ronson avec Uptown Funk. Et on revient tout de suite après, on se dira au revoir. Allez. Fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Dis donc, on termine en beauté cette édition de 120 au compteur en petit comité, mais ma foi bien sympathique. Oui. Merci oui. Véro. Merci Véro pour très ton passage ce soir. Toujours un grand plaisir de te retrouver, de venir nous faire un petit coucou comme ça derrière le micro. Ouais. Ce soir, bien sûr, aux commandes, à la technique. Le light jockey, c'est Momo. Ouais, à la chronique ciné, ouais, au rétro ciné et au sortie ciné. C'était Sherlock. Oui. Ce soir, on avait également Stéphache, notre DJ habituel, qui est venu là. Qui est venu sans son équipement habituel, qui est venu voilà, vous rendre visite et puis participer à l'émission. Ouais, je me sens un peu déshabillé sans. C'est vrai que sans les platines, vous n'êtes pas habitué à me voir comme ça, hein, donc c'est vrai que ça surprend. En tout cas, c'était un grand, grand plaisir de venir animer cette émission avec vous. Eh ben, c'était un plaisir partagé, et donc on se dit à mardi prochain, même heure, même antenne, donc 20h-22h sur RLM 107.9 pour 120 au compteur. Allez, on se dit au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Salut, bonne soirée, ciao.